Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Le secret de tout art qui veut durer, c'est la cruauté. Avant cette conclusion, avant ce propos sombre, nous visiterons la nef des fous, nous découvrirons des instruments de musique variés, des tableaux religieux, dont certains représentent des supplices de saints, et 13 bouffons en froc, qui bouffonneront pour amuser les humains peut-être. Un ballet de fiers bâtards, phénomène de foire, vendus et revendus pour une fortune. Carnaval lugubre, vitrine où les masques intriguent. Grimaciers subalternes, pitres. Les bouffons échapperaient-ils aux ravages du temps, comme les courtisanes? N'en croyons rien. C'était le 15 février 1953, sur la chaîne nationale. Soirée de Paris accueillait une œuvre de Michel de Gelderode. Mesdames, messieurs, la soirée de Paris a été reportée aujourd'hui à dessein, à une heure plus tardive, en raison du caractère particulier de l'émission qui va vous être présentée et qui ne saurait être entendue de tous. En effet, c'est dans sa version intégrale, non expurgée, que nous avons tenu à vous donner une œuvre inédite du grand auteur dramatique flamand Michel de Gelderode, L'école des bouffons, que vous allez pouvoir écouter dans quelques instants. Auparavant, l'auteur vous dit quelques mots sur son œuvre. L'école des bouffons, dans mon œuvre, est un écrit important, signifiant le retour à la rigueur, l'aspiration au classicisme. C'est un exemple de ce théâtre expansif, explosif à force de synthèse, où j'ai tenté de circonscrire des pensées essentielles. Car, au théâtre de nos temps, on dit tout, on raconte tout, sauf l'essentiel. Écrite en 1937, elle montre quelle doit être l'attitude de l'artiste pur, l'artiste créateur, devant ses disciples, ses critiques, ses exégètes, la foule qui, en dernier ressort, le jugera. Il juge, lui, en puissance et sans appel, ce jugement dernier de la foule. Donc, quand je parle de bouffons, ne croyez pas qu'il s'agisse de monstres physiques. Je le dis d'ailleurs dans le texte. Ce sont des bouffons par leur mentalité beaucoup plus que par leur corps déformé. Il y a là-dedans des bossus, des canuts, des infirmes, des nains, il y en a quelques-uns. Mais les bouffons sont surtout des gens redoutablement armés, mentalement, qui ont la parole rapide, qui ont le don de la répartie, qui sont des observateurs, qui sont des menteurs, des simulateurs, des comédiens, des artistes, enfin, des inventeurs, des improvisateurs. Or voici, le maître bouffon Folial, qui a du génie, donne sa dernière leçon et va révéler son secret, le secret de l'art, du grand art, de tout art qui se veut grand. La cruauté en art, le vieux maître Folial commente cette vérité terrible, en flagellant ces bouffons grotesques et veules, sans se rendre compte qu'il se flagelle lui-même. Et la voilà la vérité, celle qu'exprimait saint Augustin. La cruauté, mais c'est la sincérité. Et voilà le thème, le motif de cette pièce intense qui ne veut pas plaire et qui ne demande pas vos suffrages, mes chers amis. Mais si vous croyez que l'art soit autre chose qu'une distraction, soyez attentifs. Vous comprendrez que la colère merveilleuse du maître bouffon n'est pas provoquée par la méchanceté native des monstres physiques et moraux qu'il a élevés dans la haine de la société et des castes. Sa colère est provoquée par leur stupidité, leur lâcheté, leur médiocrité, parce que ces tristes élèves seront odieux, haïssables dans la pratique de leur art, seront petits, mesquins, pleurards, parce qu'ils seront méchants mais non cruels, parce qu'ils ne seront jamais grands dans le mal, parce qu'ils n'ont rien compris à la révolte de l'homme contre l'absurdité de sa condition. parce qu'ils n'auront jamais le courage de persévérer dans leur méchanceté, d'être franchement des monstres, des ennemis de cette société dont ils sont les contenteurs, les correcteurs. La radiodiffusion française présente, sous la direction artistique de Marcel Lupovici, Jean Emerson, Galgut, Roger Blin, Aurire, Raymond Rénal, Bifron, et Marcel Lupovici, Folial, dans L'école des bouffons, drame inédit de Michel de Gelderode, avec Maurice Chevit, Léon Larive, Claude Marquand, Yves Pénaud, Claude Pieplu, Guy Pierrot, les bouffons, et Jacques Dufilot, le récitant. Musique originale de Marius Constant. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Un couvent désaffecté. C'est une salle de construction ogivale qu'éclaire au fond, très haut, une rosace vitraillée où la lumière agonise, prise au piège. À droite et à gauche, vers l'avant, deux issues sur l'air extérieur des cloîtres qu'on devine. Il règne en ce lieu une ambiance de cave, dû à l'appareil de la pierre nue. Mais toutes les ombres vespérales s'accumulent déjà sous les nefs. Au fond, par quelques degrés, on accède à une plateforme sur laquelle a pu s'ériger naguère quelque hôtel ou quelque chaire. Aujourd'hui, à son centre, se dresse un théâtre forain, à la façade d'un rouge criant, dont les rideaux ont été faits au moyen de tentures des pompes funèbres, noires et larmées d'argent. Des deux côtés de ce tréteau, une issue. Sur cette plateforme se trouve aussi, à gauche, un fauteuil d'apparat qui semble détaché d'ancienne stalle. Et disposé régulièrement, quatre énormes candélabres de cuivre, avec leurs cierges gros comme un bras. À l'avant et au bas, deux objets qui se contrarient. Contre les murs, à gauche, un navire tout gris est monté sur socle, portant en proue son nom, la Nef des Fous. À droite, un catafalque en draperie violette. Au bas de la plateforme encore, gisent des instruments de musique, viol, mandor, flûtes à bec, jeux de clochettes, etc. Partout aux murailles et accrochées à des altitudes diverses, quelques sombres tableaux religieux, dont certains troués, représentant des supplices de saints. Les bouffons entrent à la file. Ils sont 13 que dirige leur bedeau, Galgut. Celui qui frappe le tambourin pour tenir le rythme de la grotesque procession. Nul d'entre eux qui n'offre de visible tare. Claudication, gibbosité, hydrocéphalie variée, sans compter leur laideur faciale aggravée par le phare. De répugnants déchets humains dont l'apparition suscite l'effroi plutôt que la gaieté. Ils sont uniformément vêtus de courts frocs de bure rousse, mais ils chaussent des bas de couleur vive et des sandales de bois. Galgut, le bedeau, moule son obésité dans un maillot vert et n'a que sa pupe de crin rougeâtre, tout hérissé, qui le font ressembler à un soleil malsain. Lorsque leur file occupe toute la largeur de la salle, les bouffons restent sur place en se balançant comme des ours. Le pénible spectacle de ce balai d'infirme donne satisfaction à Galgut, qui exhibe un affreux sourire de batracien. À la longue, il commande... Prends ! Pour le diable ! Pour le diable d'œuvre pire ! Pour le savant ! Pour le savant la crécelle ! Et pour les trolls ! Je vais vous le dire, Grimaud. Deux choses restent dévolues aux bouffons de votre sorte. Et ces choses se ressemblent en ce qu'elles sont volues. En premier, et en temps de grâce, c'est de part d'elles-mêmes que vous concéderont les dames de la cour, ces brutes femmes harnachées de reliques, en échange de la montrance de vos extravagantes virilités. En second, et autant de disgrâce pour couper court à vos gargouilleries, les pattes poilues du bourreau qui vous briseront la nuque. C'est écrit, comme à tout vivant, l'amour et la mort en partage. Oh que non, la parodie de cela, basse copulation et marécageuse crevaille des parodies humaines que vous êtes. Que nous sommes. Serions-nous plus à l'image de Dieu, mon frère ? Que nous sommes ? Et pourquoi donc, cousin ? Mes chéris, interrogez la planète Utérus. La nature, en ses mystérieux labeurs, elle divague, se trompe, se repent. En un mot, elle fait des monstres, et dans tous les ordres. Notre maître nous l'a enseigné. Notre maître a Lupline. Il sait tout, des géants, des pygmées, des cyclopes et des centaures. Il peut vous décrire la bête Catoblépas, qui se mangeait les pieds par candeur. Il en rêve immensément. Mais sa raison l'emporte. Il reconnaît qu'en tout, l'homme reste la mesure. Mais puisqu'en cette nuit, la dernière de votre reclusion dans ce séminaire, des secrets de votre profession vous doivent être révélés, je veux, devançant votre maître en son ultime leçon, vous confier ce que je sais de votre triste espèce. Mes chéris, vous êtes immanquablement d'origine noble. Sans doute un prince ou tyran peut-il vous anoblir pour vos talents, comme fit un roi des Espagnes de Folial, notre maître, mais il ne saurait vous ennoblir. Qu'est-ce à dire, monsieur de Galgut ? Aussi ayez grand air, et de morgue autant que les seigneurs qui daignent s'amuser de votre abjection, car vous êtes leur égal. Qu'est-ce à dire ? Ces nobles risquent d'être vos pères, à moins que leurs femmes ne soient vos mères. Et vous subsistez tel qu'ils vous procréèrent. Vous tenez d'eux la laideur et les vices, mais vous ne portez pas leur nom, leur prédicat. Pourquoi, mes fiers bâtards, vos origines restent obscures ? Pourquoi vous êtes boutés hors la société qu'on répute haute ? C'est que ces gens-là, mâles et femelles, supportent mal, en leur incommensurable orgueil, de voir ici en eux-mêmes une géniture qui n'aurait pas la beauté des dieux antiques. Sitôt qu'une de ces dames qui prétend accoucher debout a-t-elle mis bas, sitôt ont-elles constaté que le fruit de leurs entrailles est maudit et a dû être procréé par quelque puant bouc du sabbat plutôt que par Jupiter olympien, qu'elles appellent à grands cris le tératologue, l'expert en monstres, et notre maître Folial, qui s'y entend, de déclarer ex cathedra que cette contrefaçon d'humain, cette pièce anatomique, ne mérite pas le baptême, mais bien la noyade dans les latrines. Or, il n'a garde de vous noyer. Il vous emporte dans son couvent, vous élève au biberon des sorcières, fait de vous, en dehors de la communion des chrétiens, ces sujets de ménagerie, ces phénomènes de foire qu'il revend pour une fortune. Et vous voilà. Soyez satisfaits. Demain, d'apprenti, vous passerez maître. Vous regagnerez votre monde d'origine sous les baldaquins, près des torchères et des trophées. Juste retour. Vous moquerez vos auteurs et engrosserez vos sœurs, voire vos mères. Et que procréerons nous les hideux? Ces criminels amours donnent de beaux fruits à l'ordinaire. Vous serez père de fiers gars et de jolies garces qui deviendront laquais, servantes, soudards, bagasses. La roue tourne, la cornue boue. Savez-vous de qui est née, ou mieux, était née la plus capiteuse des ménines? Le peuple de Madrid vous dira d'un bouffon célèbre, lui-même réputé de sang royal. Oh, Folial. Folial premier. Que ceci vous incite à la dignité professionnelle. Amen. Est-ce tout, Bedeau? Non pas. Le restant sortira des lèvres de votre maître, et s'il est sous, vous entendrez d'autres séquences. Par parenthèse, l'ivrognerie reste notre péché mignon que nous avons en partage avec les moines. La luxure, subsidiairement. Mais Folial me paraît dérangé. Il ne boit que de l'eau glacée. Il a bu ces temps-ci toute la flasque des Flandres. Je n'en augure rien de bon. Même je prédis que notre dernière nuit n'aura rien de folâtre. À moins que ne réussisse l'impromptu que je prépare. Vous deux, Bifron et Orir, ne vous éloignez pas trop. Vous êtes mes compères ce soir. J'ai pu lire en partie les lettres venues des Espagnes. Cousin, vous serez vengé en quelques minutes intenses de vos années de dislocation, de suggestion honteuse. J'agire. Le dormeur s'est réveillé. À votre rang. En file. Marche. Pour le calice. Pour le calice, un serpent. Pour le soudard. Pour le soudard, la béquille. Pour le taureau. Les bouffons sortent, leur récréation commence. Galgut est resté près de la porte, guettant l'irruption du maître. Galgut. Galgut ne répond pas. Galgut. Surgit Folial, tenant une bougie allumée. C'est un petit vieillard, chauve et vacillant, resté très souple et ingambe. Il est vêtu de bouffantes culottes de velours noir et d'une chemise immaculée, à col et poignée de dentelle. Il chausse de fines bottes de cavalier. à ses doigts des bagues dont les pierreries s'enflamment. À la vérité, Folial n'est pas difforme. Il se peut dire un nain grandi, mais proportionné et même gracieux, encore que se devine qu'il porte corset. Sa personnalité exprimerait la faiblesse et la ruse, n'était son regard magnifique d'une eau bleue, et qui, par instant, a le métallique éclat de la supérieure volition. Avec ses yeux, il a d'extraordinaire ses mains de mime, qui semblent modeler des formes ou diriger des musiciens à la manière des thaumaturges. Il avance comme un somnambule. Galgut, il faut éclairer. Messire, avez-vous bien dormi? Je ne suis pas sûr d'avoir dormi, mais sûr d'avoir rêvé. Oui, et vilainement. Si j'en crois les présages, j'avance en pays de malheur. Non, j'étais environné d'une nappe liquide, d'un étang noir. Tu flottais autour de moi pareil à une vessie gonflée. J'avais le sentiment que tu venais me voler. Que peut-on voler à un dormeur quand le diable et Dieu n'inscrivent même pas nos rêves? Ma fièvre, quelques propos, un soupir. Rends-moi! M'allez-vous punir pour ce délit chimérique? Dans un autre sommeil, alors. Je percerai ta vessie d'outre en outre et tu dégonfleras, exhalant tes mauvaises pensées, tes pestilences. La nuit sera sinistre qui s'approche. Mais claire. Que ces dernières heures sont donc rampantes. Oui. Je flanquerai bien ma botte au cul des horloges. Comme toi, j'ai hâte d'en finir. De quoi? Mais de cette imposture qu'est mon enseignement, cette folie digne de mon nom de croire qu'un homme en pouvait enseigner d'autres. Maître, dans les arbres des Amériques, les voyageurs ont vu souvent un vieux singe entouré de jeunes singes tapageurs. Ce concile simiesque, comprenez-moi, n'est autre qu'un effet de cette scolastique partout en usage. Sans vos coups de fouet, vos insultes et vos discours, nous n'aurions rien été. Et vos disciples, nantis de votre style, iront par les empires et les royaumes briller dans l'ombre pourprée des trônes, perpétuant votre manière. Ce qui fera dire universellement qu'il n'est bon bouffon que des Flandres. On applaudira en nous les créations du grand Folial, le compère de l'empereur Charles Quint. Folial, ce fou qui se montre si sage que le roi Philippe l'anoblit. Et pas du tout par dérision. Galgut saisit la main de Folial et la baise. Te flattes à merveille. Mais il faut mettre plus d'expression, faire vibrer la voix à la fin de la tirade. Merci. Au fait, on comprend mal que Philippe, ce roi rigide, ait élevé son bouffon, fût-ce le plus génial des bouffons. Serait-ce qu'il ait voulu humilier la noblesse? Au fait... Il est pourtant connu que ce roi n'a jamais ri. L'auriez-vous déridé? Non, et jamais il ne rira. L'ai-je fait sourire? C'est beaucoup, obtenir d'un tel roi qu'il retrousse sa lèvre sur ses dents. Enfin, j'ai reçu la faveur de revoir ma patrie. Il n'ignorait pas le roi que je laissais en ses Espagnes. Mon cœur... De quoi parlez-vous? Un cœur. Qu'est cet objet au regard d'un bouffon? Galgut, ce sont de douloureux honneurs ce que confèrent les rois. Jusqu'en terre lointaine, leur amitié vous poursuit. Il m'a écrit... Philippe, El Rey, El Rey. Folial chancelle, puis se frotte le visage. Vois, la tête m'en tourne encore. Cela mérite une illumination. Galgut se met en devoir d'allumer les cierges. Que notre dernière leçon ait certaine pompe. Pompe funèbre? Oui. En accord avec votre âme? Que sais-tu de mon âme, toi qui n'en as point? Vos autres bouffons, vous n'avez pas d'âme. J'en écrivis un jour au docteur de Louvain, et les théologiens me répondirent que s'il y avait soupçon d'âme, la miséricorde de Dieu s'étendant aux bouffons et aux bêtes, elle devait avoir l'aspect d'une fumée, qu'elle ne pouvait avoir la forme d'une flamme droite, prête à se déployer, mais celle d'une braise dispersée dans votre argile. Ils pensent, mais n'osent l'énoncer par charité, que vous êtes de ces mauvais morts que le ciel et l'enfer se jettent et qui empruntent des anatomies perverses. Va-t'en, fesse de lune. Galacute se glisse vers la porte à droite, mais attend encore, tandis que Folial, épuisé par ses poussées de colère, s'assied dans le fauteuil. J'ai tort. Car n'ai-je pas méticuleusement cultivé la plante vénéneuse de leur subversion? N'est-ce pas logique qu'elle m'empoisonne le premier? Approche, Galacute. Galacute s'éclipse. Folial ne s'aperçoit pas de ce départ. J'allais t'annoncer une bonne nouvelle. Mais non, il est de ces bonheurs qu'on apprend toujours assez tôt. Viens plus près. À mon roi décharné, je donne un bouffon gras. Sois digne de moi et de celui auquel tu succèdes. Approche encore. J'ai pour toi méfiance et dégoût. Mais à qui veux-tu que se confesse un bouffon, même vieilli et rendu à la condition d'homme? Tu l'as flairé, la fatalité me poigne. Il y a 3 mois, par ma double vue, j'assistais par-dessus les plaines à la tragédie qu'aujourd'hui des lettres m'annoncent. Très exactement. De telles lumières viennent d'en bas, tu peux me croire. Depuis, mon regard a perdu son éclat, ma poitrine, sa force, et mes bouffons ont recouvré leur native impudence. Tu es le chef de leur conjuration, ne le nie pas. Et si tu aimes me servir, tu adores régner sur cette troupe immonde. Or, je sais prémonitoirement que vous mettrez à profit ma lassitude. Vous me tuerez cette nuit, vous me lapiderez avant votre fuite. Je pourrais me défendre, car si je ne possède plus l'acier de mon regard, il me reste celui de mon épée. Mais je ne redoute pas vos pièges. J'agirai sagement en vous congédiant déjà, en éludant ma leçon. Je la donnerai. Seulement, use de ton autorité pour que je la puisse achever vivant, sans quoi vous ne serez rien, ne serez que des pitres de kermesse. Vous pensez avoir tout appris, sauf le secret de ma carrière, de mon art, que dis-je, de tout art qui se veut grand. Ce secret, je ne l'énoncerai que si vous m'en priez. Ne vous croyez pas tenu, en échange de cette connaissance suprême, de me laisser la vie. Suis-je encore de ce monde? Galacute revient subrepticement et reprend place près des degrés, sans que Folial s'en rende compte. Écoute. Le maître tombe dans une méditation agitée. Il fait quelques gestes que le bedeau imite et murmure d'incompréhensibles paroles. Puis soudainement se lève. Ces lettres, il les faut cacher. La lettre de Felipe. Folial disparaît par le fond. Le canevas de ce jeu court et dru qui finit dans un spasme. vous inventerez les mots, peu de mots, assez pour expliquer l'insolite action. Et n'oubliez pas la primauté du mime, encore que vous porterez des faux visages. Mais la haute mimique se passe des froncements de gueule, vous le savez. Aïe, nous faut donc entrer dans la chambre des masques. As-tu peur? Et quoi, chérie? Ces faces humaines, en leur expression d'extase ou d'agonie, ce sont des simulacres, une collection d'empreintes. Prise sur nature. Ah, épouvantable réunion. Innocent. Un carnaval un peu lugubre, comme toute fête où paraît l'homme et son désir. Mais rien que du bois, du cuir, du parchemin, de la cire. C'est la bibliothèque de Folial. Vous y trouverez, dans une vitrine, les deux masques de votre rôle. Excessivement vrais, parce qu'ils furent moulés sur des vifs et non sur des morts. Tu iras, toi. C'est d'ailleurs connu que notre maître, qui a d'inconcevable intelligence partout, reçoit les visages des trépassés illustres, comme ceux des grands criminels. De quoi reconstituer tout le siècle, l'histoire. Est-ce d'un chrétien, dites, cette dilection? C'est d'un artiste, et du plus fameux qui fut, car vous pouvez le haïr comme je le hais. Folial reste inégalé, puis éleva notre art au rang d'une science. Et puis le temps nous presse. Vous passerez dans la chambre des costumes. Enfin, le théâtre, vous le meublerez en silence. Et vous commencerez sitôt que cessera la musique. Motus, je crains pourtant que Folial ait flairé l'odeur de cette conspiration qui transpire. Et que nous perdions le bénéfice de la surprise. Ses yeux d'oiseau voient tout, déchiffrent nos arrière-pensées. Certes, il pressent le complot. S'attend même à être malmené jusqu'à violente mort. Son regard s'est éteint. Nous le trouverons en défaut de vigilance cette fois. Nous le tuerons, et non pas avec nos poings, avec nos langues. Preuve de l'excellence de son enseignement. Et s'il arrivait que nous le navrions seulement, ce serait déjà très beau. Les voûtes lui tomberont dessus, je le jure. Et la fête finira dans un patibulaire triomphe, un chorus. Et les vipères que vous êtes se dénoueront et s'en iront ramper dans les prés fleuris et les tentes de soie de l'Universal Théâtre. Le bedeau pousse hâtivement au rire et bifron sous le catafalque. Prenez ma lanterne sourde. Folial reparaît. Galgut sort très vite. Des confessions perdues qui reviennent dans la chapelle. Silence. Don du ciel, t'obtiendrai-je une fois. Et toi, solitude, sainte solitude qui me permettra de souffrir largement et non plus contractée comme l'araignée transie, seras-tu enfin ma compagne? Et vous, Seigneur, si vous n'avez pas tout à fait quitté ces lieux, écouterez-vous mon imploration? Accordez-moi de pouvoir mourir seul, sous votre regard sans pathétique comme sans ridicule, au cours de ma torpeur. Car la nuit monte en moi une eau sombre vers le cœur. Lorsque reviendront vos saints moines, ils trouveront mon squelette à cette place, méditant sur la misère des choses. Ils mettront en ordre mes ossements qu'ils glisseront sous ce catafalque, en chantant de leur grande voix nocturne. Dies irae, dies illa. Et toi, catafalque, sublime objet qui laisse rêveur, comme cette caravelle, du bois, de la toile, et c'est le départ dans l'infini. À ce moment, on bouge l'étendure du catafalque. Folial devient attentif. Les vents qui tournent dans le cloître s'y viennent réfugier et reprendre haleine. À moins que des oiseaux n'y logent, je le croirai hanté. Folial se dresse, descend et se dirige vers le catafalque. Voilà ! D'autres tombent ! Le pourceau ! Le bégueule ! Pas dans ton rôle, ce jeu de main ! Oh, et puis, ma bonne, le bedeau nous a mariés. Mmh. Allons, allons, viens. Folial bondit et secoue le catafalque dont sortent criards les deux bouffons. Le maître les saisit par la nuque et les traîne sans ménagement au centre de la salle. Morne délectation que la vôtre, mes enfants. Ce reste apparaît de la mort qui vous suggère ces hypothétiques luxures. Gagnez plutôt le cimetière parmi les herbes grasses et les croix pourries, sur l'humus phosphorescent. Vous y trouverez pour votre inspiration l'exemple des vers de terre amoureux après la pluie. Maître, il y a méprise. Nous sommes chastes. Malheur aux chastes, ces impudiques sans geste. Envoyez à l'Escorial une vaste peinture dont le roi raffolait. Cela représentait le jardin des plaisirs terrestres. Les fruits et les fleurs, les bêtes, les fils et les filles des hommes y poursuivaient dans une indicible confusion des orgasmes sans échéance. Avec quelle tristesse farouche cette humanité s'appliquait au plaisir sous un ciel sans lumière, sans air, dans une vallée sans issue. Ah, j'en frissonne encore. Savez-vous au moins d'où vient, où va toute chair? D'un trou dans un autre trou. Ainsi, tout nous reste interdit. De quelle malédiction portons-nous le fardeau? La funeste question. C'est si lointain qu'on en a perdu le souvenir, ce péché originel. Voilà pourquoi notre val est peuplé de monstres. Allez vous confesser. Depuis quand les bouffons ont-ils un chapelain? Juste. Les rares anges qui s'aventurent au zénith de ce tableau prennent feu, ou en sont chassés par des poissons volants et des cigognes, chargés de marionnettes diaboliques, de sorte que l'enfer envahit le ciel, que ce jardin de volupté devient le domaine de l'expiation. Notre maître divague. Que dites-vous? Allez, allez, allez, la récréation va finir. Sonnez la cloche. Les deux bouffons détalent par la droite. Folial grimpe lestement les degrés et disparaît par le fond. La salle reste vide. Comme le soir est insensiblement tombé, la flamme des quatre cierges répand sur la plateforme une lumière tranquille, mais le bas de la salle reste baigné dans l'ombre. Apparaît le cortège des bouffons, conduit par Galgut, qui bat le tambour. Chacun des processionnaires tient une bougie allumée. Les deux derniers, Aurir et Bifron, n'ont pas de luminaire, et se détachant aussitôt de la file, se précipitent sur les degrés et disparaissent au bout de la plateforme par l'issue de droite, après avoir échangé quelques signes avec Galgut. Nocturne. Ah. Bouffon se tille sur place, sans geste. C'est un balai d'automate où seuls les pieds et les épaules fonctionnent. La danse se fait rageuse. Une sorte de piétinement forcé. Avec ensemble, les danseurs tombent assis et déposent les bougies. Demi-tour! Virant sur les fesses, les bouffons se placent face à la plateforme. Galgut dépose son tambour et grimpe les degrés en haut desquels il s'assied. Ah, mes gentils compas, toute farce trouve sa fin. Moi, votre aîné, je vous harangue en manière d'adieu, car avec l'aube, vous prendrez la route. Elle vous mènera bien quelque part à des servitudes dorées. C'est le parti du sage. Certains d'entre vous resteront errants et retourneront au peuple. C'est le parti des fous. Mais vous êtes marqués. Vous bouffonnerez, et que vous choisissiez l'épigramme ou les troncs, bouffon bouffonnant, serez-vous nanti de ce pénible apostolat d'amuser les humains. Vous trouverez votre style. Les uns se comporteront avec une sereine fatalité et seront sacrés artistes. D'autres agiront scélératement sous les crachats et les gifles. Domestiqués ou libres, vous n'échapperez pas à votre condition. Mais à tout prendre, cette condition est enviable, puisque dans notre société impitoyablement hiérarchisée, vous seul pouvez vous en moquer, en marge d'elle, et faire votre malin plaisir. L'art consiste à ne point forcer son talent. Considérez donc que vous deviendrez indispensable dans la vie des cours avec le médicastre et le moine gris, que avec eux, vous graviterez dans l'intimité des grands. Sachez, des grands, reconnaître les humeurs, les maladies, les vices, et vous régnerez. Sachez regarder, écouter et vous taire. Sachez souffrir avec le sourire et dissimuler votre joie. Sachez le moment de lâcher un trait d'esprit ou une veste. Le bizarre est une forte source d'amusement et de surprise. L'observation des animaux vous permettra mille effets d'un comique certain. Ayez aussi de la mémoire. Surprenez le plus de secrets possible, car c'est à vous qu'en son inquiétude le prince posera ses interrogations. À vous qu'il fera ses confidences désabusées. Cachez vos émois, vos dégoûts, vos hargnes, ou laissez croire que vous ne faites que simuler ses sentiments personnels, qu'à aucun moment on ne soupçonne que vous puissiez être autre chose qu'un bouffon et partant se méfier de votre présence. Phrase et paraphrase, Deocet. Est-ce-il votre maître? Le répétiteur, oui. La formule, je l'ignore. Comme vous, j'en attends la révélation. Et encore. Et encore. Souffrez qu'avant de nous séparer, je vous exprime ma bonne confraternité. À l'instar du vieil et illustre Ulon Spigot, notre patron, en vous montrant mon cul beau comme le disque lunaire. Galgut n'achève pas son geste. Les bouffons se rassoient, désignant le fond de la salle. Le bedeau saute les degrés et se hisse dans le bateau. Le maître! Folial vient de paraître. Il a revêtu ses habits d'apparat, un long manteau le grandit, une toque de velours le coiffe. Sur sa poitrine scintille un collier d'or. à son flanc l'épée orfévrée. Sa vêture sévère, tout en noir et blanc, lui donne l'aspect de quelque homme d'église. Dans la main dextre, il tient un long fouet. Dans la sénextre, un petit sac de toile. Il semble mal assuré dans sa démarche. Comme à bout de force, Folial se laisse tomber dans le fauteuil et reste hagard, sans voir l'assemblée. Dans son bateau, Galgut déroule un parchemin. Les têtes des bouffons se tournent toutes vers lui. Messire, vénéré maître. Quoi? C'est d'un cœur empli de reconnaissance qu'après avoir butiné la fleur odorante de votre sagesse suave, les abeilles vigilantes que sont vos élèves affectionnés vont prendre leur envol vers les Arcadies, près du soleil. Qui t'a appris ce jargon de pédant? Quand je vous ai enseigné le laconisme, le mot taillé en flèche, des mouches à miel, mes élèves, à merde, oui. Allons, dégonfle-toi. Or, devant que d'aller se poser sur les fruits du festin, les perdus d'affection, j'ai dit. D'ailleurs, nos sentiments vous sont connus, mais je pensais que vous teniez à ce cérémonial, messire. J'y eusse tenu en d'autres circonstances. Toute ma vie, toute la vôtre, se doit d'être un cérémonial. Rentrez vos pavois de fête, je m'en passerai. Voyez-vous, mes enfants, l'âge me pèse tout à coup. C'est pourquoi je vous libère. Non, demain. Ce soir encore, il y a des étoiles au ciel. Profitez-en. Des étoiles? Merci pour ce trésor que vous nous accordez. Et puis, oubliez-moi. On dit que les bouffons échappent aux outrages du temps, comme les véritables courtisanes. N'en croyez rien. Me voici rendu malade. D'un mal qui ronge. Folial baisse la tête et tombe subitement dans une espèce de prostration. Les bouffons interrogent Galgut du regard, leur index désignant le maître. Le bedeau paraît hésitant. Il monte les degrés et tourne autour du fauteuil où s'assoupit Folial. Nous compatissons. Toute une existence de succès, une charge d'honneur. Cela vous accable la plus forte nature. Trêve de rhétorique. Nous vous admirons, maître. Et nous vous plaignons. Aussi allons-nous vous quitter discrètement sur la pointe des pieds et que le Tout-Puissant vous accorde le secours d'un ange gardien. Galgut dérobe le fouet et le cache derrière le fauteuil. Ainsi donc y échappe à Folial. Ah donc, abrégeons les protocoles que nous recevions notre exéate avec votre paternelle bénédiction. Toutefois, vos enfants, entendez par ce mot les grenouilles, les macaques, les boucs, tous ces ornements du bestiaire qui grouillent à vos pieds, attendent ce que vous leur avez promis pour l'heure où vous cesseriez de les semondre. En leur nom, si tant est qu'il ait d'autre identité que celle que leur confère un sobriquet, je vous demande en grâce de nous divulguer le secret. Le secret de votre art. De votre art. Je veux dire, du grand art. Du du grand bâtard. Du génie, enfin. Que dites-vous? Le secret de mon art, du grand art, du génie. Nous vous en supplions. Oui, je me souviens d'avoir promis le secret, l'expérience de toute une carrière. Falial arrache sa toque et la jette. Sa main parle seule, exprimant son désarroi, et palpe son front, comme pour en extraire une pensée. Attendez, le secret. Oh, ma tête reste obscure. Pourtant, ce n'était qu'un mot. Pardonnez-moi, je trouverai. Oh. Le secret. Folial fait signe qu'il ne sait plus. Folial chancelle et s'effondre dans le fauteuil, la bouche ouverte. Silence. Pardonnez-leur, maître. Le Christ n'a pu leur enseigner la charité, n'étant pas mort pour leur espèce. Reposez-vous. Nous vous en demandions trop. Folial, dans un geste inconscient, serre le sac de toile contre sa poitrine. Le secret serait-il enfermé dans ce sac? Dans la crainte qu'il ne crève prématurément, contenez-vous encore, putois! Maître, reprenez vos esprits. Ne réfléchissez donc plus. Vos élèves ont préparé un impromptu. Tant pis pour le secret. Nous n'avons qu'à le chercher. Folial a rouvert les yeux. Vous êtes au théâtre. Nous voulons vous distraire. Et peut-être daignerez-vous applaudir nos talents enfin blés. Galgut désigne la petite scène du fond, dont le rideau a bougé. Attention! Aussitôt, les bouffons se précipitent sur les instruments de musique et s'apprêtent, nez en l'air. Folial laisse serrer son regard sans paraître comprendre. D'abord, le prélude. Cette harmonie semble opérer sur ses sens, éveillant en son âme le souvenir d'anciennes fêtes. Il se lève et inconsciemment esquisse les mouvements de la danse, méconnaissable, dans une extase souriante, avec une partenaire invisible. C'est un lent et solitaire ballet, projetant une foule d'ombres. C'est une évolution macabre et noble, et c'est aussi une leçon que Galgut et les bouffons considèrent avec une admirative stupeur. Folial reste comme suspendu à des fils. Galgut s'empresse pour soutenir le vieillard épuisé par cet effort. Maître, notre gratitude. Or quoi ? Nous vous dédions un divertissement, et c'est vous qui le donnez. En vérité, il sera dit que vous étiez bien plus que le plus parfait des bouffons. Il sera dit que vous étiez un poète. Et nous souffrons de pressentir que malgré l'honneur d'avoir été vos disciples, nous ne sortirons jamais de la médiocrité. Nous resterons des grimaciers, de subalternes pitres. Dès lors, le spectacle est fini que vous avez donné à notre place. Or, faites, je vous prie, le geste qui nous congédie. Non, mon ami. J'ordonne que la comédie ait lieu. La tragédie, s'il vous plaît. Il me plaît. J'ai dansé, non pour vous confondre, mais par inspiration. On commet alors des actes irrésistibles qui distinguent l'authentique talent de la contrefaçon. L'inspiration ? Qu'est-ce ? Sais-je. Peut-être une opération de magie, où la raison n'a que peu à faire. Serait-ce donc vrai que nous tenons par quelque côté à la sorcellerie ? Au nom du ciel, le secret que vous ne pouvez nous confier, le devons-nous chercher dans l'antichambre des enfers ? Bélitre ! Que t'éclaire le démon que tu ne manqueras de rencontrer à la cour de Sa Majesté catholique, à moins qu'il ne te trouve par trop crétin. Tu m'excèdes ! Et l'heure est passée de ces dialogues scolastiques. Au spectacle, l'ami ! Comédie, tragédie ou mascarade ? Es-tu sûr de ton fait ? M'apportes-tu quelques surprises ? Oui. Comme vous l'avez exigé de nous, vous verrez un jeu qui vous bouleversera. Aussi, tenez-vous bien à votre fauteuil. Toi, me bouleverser, te crois-tu devant une assemblée de rhétoriciens ? Sais-tu, bouffie, que j'ai composé 100 pièces de théâtre, que j'ai prêté ma plume aux meilleurs dramaturges des Espagnes ? Voyons ce chef-d'œuvre, et quel titre ? Une nuit d'Escorial. Qu'humblement je vous dédie. En mémoire de votre séjour en cette sublime demeure. Hein ? Qui te dit que j'irai m'en souvenir ? Et l'argument ? Pardon. Je réserve... Je prévois de sottes inventions, pas même des lieux communs ramassés sur un traiteau forain. Il s'agit d'un drame, d'un acte véritable. La vérité encore toute chaude. Je n'inventerai rien. Que tu tiens d'où ? Toi qui ne fus jamais à l'Escorial et ignore, comme l'univers, tout ce qui s'y passe. Cela, c'est mon secret. À chacun le sien. Puis-je commencer ? Non ! Ou plutôt, j'aimerais savoir... Pour que je perde le bénéfice de la surprise ? Trop tard, messieurs ! Galgut bondit vers le petit théâtre. Tire une corde et le rideau s'écarte, découvrant la scène. Le fond du théâtre représente une alcôve dont les courtines restent soigneusement fermées. À la gauche, sur un socle et entouré de fleurs, une statue de la Vierge dans sa robe triangulaire d'or froid, couronnée et joyellée, toute scintillante sous les caresses des cierges qui brûlent à ses pieds. Au bas de cette statue, un prie-dieu. À la droite, une crédence chargée de fruits et de flacons près des coupes de cristal. À la droite aussi, une porte que dissimule une tenture. Galgut s'est caché dans les pénombres. Folial, debout, semble vouloir marcher vers le théâtre, mais se ravise et se rassied. D'ailleurs, le spectacle commence. entre Arculon Bifron, alias Folial 2, le visage recouvert d'un masque entier dont le bas est mobile, masque fin et narquois, aux moustaches en virgule d'un émail rose, dans lequel brûlent les prunelles délateurs. Il est vêtu de velours gris-perle, avec un mantelet lamé d'argent sur l'épaule. Il porte la dague. Par geste, il repousse des personnages imaginaires qui veulent entrer avec lui. Mille merci, mes seigneurs, d'avoir daigné me conduire à ma chambre nuptiale. Mais par respect de l'amour, ou plutôt du sacrement, ne franchissez pas le seuil sacré. Vous en voulez trop voir. N'ai-je pas donné à la cour, à toutes les Espagnes amusées, la merveilleuse représentation de mon mariage? Du mariage de la laideur avec la beauté, de la folie avec la sagesse. Vous avez bien ri, mes seigneurs, et tant mieux. À moi de rire maintenant. Votre plaisir trouve sa fin. Le mien commence. Que voulez-vous encore? Assister à l'amoureux déduit de la bête et de la belle? Imaginez ce tendre mystère. Je puis vous assurer que je me comporterai aussi bien que vous en la circonstance, que cette nuit je serai homme comme vous l'êtes, et magnifiquement. Quoi n'est besoin de vos conseils? De vos filtres. Dieu ne m'a-t-il pas dévolu le don de prodiguer tout plaisir? Souffrez que cette fois je me consacre à ma conquête. Et ne me souhaitez pas bonne nuit, je ne dormirai guère avant le lever du soleil. Le plus heureux des bouffons vous salue, mes seigneurs, qui d'un cœur léger gravit les marches de l'autel de Vénus. Il salue plusieurs fois et ferme la tenture, puis revient, considère l'alcôve, emplit une coupe de vin et la vide d'un trait. À l'amour! À mon vieux maître Folial, premier du nom dont j'héritais la gloire, dont j'épouse la fille, la belle Vénéranda, faite pour la plaisance des dieux et la mienne. À mes compères des Flandres, mes lointains amis du couvent de Dulondel, humbles cadets qui se trouveront illuminés par mon triomphe! Bifron, alias Folial 2, salue rapidement. Seul. Je gonfle des mois de bonheur. J'exulte. Je suis ivre et pas seulement de vin. La tête me tourne. Et l'ami, garde-la bien pour ne la perdre qu'au bon moment. Ah, ce mariage! Quelle apothéose! Le roi Philippe est si austère. Le roi même a voulu voir cela caché dans la sacristie et il se mordait les lèvres pour ne pas pouffer. À mon tour d'éclater! J'en sais qui cette nuit reste blême de jalousie, qui rôde comme des chiens haletants autour de ma chambre, car ce qui s'accomplira, c'est en n'est pas parade de fou, je l'assure. Il s'assied et se frotte le front. Ne serais-je pas engagé dans un rêve baroque au sortir duquel je me trouverais seul avec ma dérision? Non, elle existe, splendidement. Elle est de chair et non pas de fumée. Elle repose. Lassé dans cette alcôve, ignorant l'étrange sacrifice qui l'attend, ce premier vénérien combat où j'aurai le dessus. Bifron se lève et se verse une nouvelle coupe de vin. Il me faudra certain courage, déployer une galante stratégie. Mais n'ai-je pas l'expérience et le désir de vaincre? Tout de même. Je ne m'aveugle pas. Je n'oublie pas ma condition. Qu'elle soit soumise, je n'en doute. Pourtant, elle semble la vertu incarnée, l'impassible souveraine vertu. Oh, j'ai souvenance, douce Vénéranda, que nos jeux d'enfants, car je t'aime depuis ces jours puérils, restaient chastes toujours. Et combien nos fiançailles, encore qu'improvisées, furent cérémonieuses. Non. Non, je ne puis croire ce qui m'échoit, que derrière ces rideaux que j'ai le pouvoir d'écarter, sommeille la plus admirable des Ménines, une fille noble qui pouvait prétendre à d'illustres alliances. Pourvu que ce prodige n'ait de cesse. Quel silence dans cette alcôve! Pas un souffle, pas même le froissement d'ailes des songes qui s'élèvent. Ciel! Me l'aurait-on enlevé? Cela se fait des plaisanteries de ce goût quand le mari n'est qu'un bouffon. N'avais-je pas trouvé un froid squelette terreux à la place de la tiède vierge rose? Il avance vers l'alcôve. Veneranda, ma femme. Des craintes m'assaillent. Veneranda, dormez-vous. Veneranda, me voici, venant tout droit des brûlants. Pourquoi ne bondissez-vous pas? Où ne poussez-vous ces petits cris obligés de la pudeur en transe? De mère, n'en avez plus pour vous consoler. Et quant au chevalier Folial, votre père, il vous maudit sans doute comme il me maudit. Mais que nous importe? L'Église n'a-t-elle pas consenti à bénir cette union? Et le roi ne l'approuve-t-il pas? Dès lors, nos âmes et nos corps peuvent se joindre sans remords, ma bien-aimée. Allons, appelez-moi. Dites mon nom que j'entre dans votre pénombre. Il ne fait pas plus silencieux dans une chambre mortuaire. Voici que je faiblis, qu'un nuage passe. Je doute. Singulier préambule. J'ai peur de cette alcôve fermée, d'où je croyais qu'allait surgir une femme nue. Alarmée même, mais mienne. Veneranda! Veneranda! Veneranda! Titubant, il va vers la statue de la Vierge et se laisse choir à genoux sur le prie-Dieu. Éclairez-moi, madame. Merci. Oh, la mémoire me revient de choses anciennes que l'ivresse embla. C'est toujours ainsi qu'on se jette dans les liens du mariage, qu'on se rue comme un oiseau fou vers des miroirs solaires. La réflexion vient après. À présent, je vois. Ma chair se glace, je ne suis plus ivre. Je comprends toutes les risées de la cour d'Espagne, tous les sourires. Étourdie. Sans doute celle qui t'échoua est-elle pure, mais non de cœur. Elle a aimé, cela m'apparaît soudain. La fille du maître bouffon, l'enfant merveilleuse, la poupée blonde a grandi à l'ombre du trône. Et je n'ai pas été le seul compagnon de ses jeux. Elle était la féale de l'enfant. Et l'enfant a grandi. C'est un homme jeune, violent, passionnel. Mais s'il monta les marches du trône, il ne quitta pour autant du regard sa gracieuse amie. Moi, le bouffon, j'ai vu. Les jeux ont continué, plus tendres. La plus belle des Ménines n'était-elle pas digne de cette amitié fervente? Alors, comment a-t-elle pu, un jour que dans une tirade extravagante, je lui déclarais sans espoir mon amour difforme, ne dire qu'entre un enfant et un bouffon, il n'y avait d'autre différence qu'une bosse? J'en fus ébloui. Maintenant que tout est accompli, il me faudrait voir clair. Assez de monologues, une nuit de noces joyeuse. Au là de l'alcôve, ma femme! Décidé, il marche vers l'alcôve dont il rejette les courtines. Puis il recule stupéfait. Comme sculptée et peinte, comme une madone au masque impassible, debout, Veneranda, un lourd chapelet serré contre elle. Dans le bras gauche, elle tient une gerbe de lys. Dans son opaque chevelure cuivrée, éclate un diadème diamantin. Vêtue de moire bleue, parsemée de perles, sa robe forme une gaine rigide qui lui donne le style morbide d'un mannequin de quelque somptueuse momie. Un manteau de dentelle noire la recouvre, des épaules aux pieds. Son masque a le teint de la cire. Mais sur la plateforme, le chevalier Folial s'est arraché de son fauteuil et fait quelques pas vers le petit théâtre comme s'il voulait intervenir. Quelle sinistre plaisanterie est-ce là? Laissez faire, maître. Ce sera très beau. Ma femme, vous croyez-vous encore à la messe? Votre liturgie commence. Ne m'attendiez-vous plus? Pour quel départ vous teniez-vous prête? En l'honneur de quelle divinité dites-vous le chapelet? Il arrache le chapelet et le jette. Aurir, alias Veneranda, reste immobile. Et ces fleurs de sépulcre, les voulez-vous bien piétiner? Ces lys de pureté? Il arrache le bouquet et le piétine. Avez-vous compris maintenant que je suis le maître? J'attendais un autre accueil. Approchez. Lentement s'approche Veneranda. Vous entrez en amour cette nuit, et non en religion, ma bonne. Riez, soyez gaie, folle, je le veux. Vous êtes comblée. Des fleurs, des émeraudes, des chiens minces, un carrosse, un reliquaire, un retable d'albâtre, un missel enluminé. Que n'avez-vous reçu en ce jour avec mon nom? 1000 marques d'amitié venues de haut, les compliments d'un roi et la bénédiction d'un archevêque. Et moi, je m'apprêtais à vous faire un cadeau dernier, magnifique, bien que d'aspect étrange. Une chose que les dames de la cour se disputèrent et dont je fus avare. Un phallus magistral adorné de rubans, objet de plaisance dont l'ombre portée sur les murs hante le sommeil des femmes. Voyons. La nuit avance et je souffre de ce plaisir différé. Soyez sage, je veux dire, sotte. Soyez raisonnable, je veux dire. Il emplit une coupe de vin et l'attend. Buvez pour sceller le pacte charnel. Vénéranda prend la coupe et la verse, puis la laisse choir. Oh, ce geste appelle le malheur, récuse le bonheur. Misérable créature, c'en est assez. Déshabillez-vous. J'ai puissance maritale. S'il le faut, j'ameuterai le palais et la cour sera témoin de votre honte. Il va vers elle. Vénéranda le repousse à deux mains. Il se trouble et tombe à genoux. Vénéranda, au nom du sacrement qui nous unit, répondez. M'aimez-vous? Non. Si vous ne pouvez m'accorder cet amour qui ne s'improvise, me laissez-vous l'amitié? Non. Au moins l'estime à votre ami d'enfance, au disciple bien-aimé de votre père. Non. Mais serait-ce alors que vous soyez inapte à l'amour, à tout sentiment? Apte suis-je, hélas. Que trop. Par conséquent, à la haine. Vénéranda, me haïssez-vous? Non. Mais je le pourrais. Laissez-moi seul. Cette nuit? Devenez-vous folle? Dans ce cas, je ne suis pas fou, moi. Je veux savoir au moins ce que dissimule ce vêtement de joie, cette robe de mariée. Un vêtement de douleur, une robe de vierge. De vierge, non, de veuve. Elle en trouve sa robe sur sa poitrine. Un cilice? Que voulez-vous expier, femme? Une faute majeure. Et cela en une nuit dédiée au plaisir? Que je dédie à la souffrance. Oh! Ah donc, je suis joué, berné au seuil même du mariage. Quel vœu grotesque avez-vous fait? Et vos charmes ne seraient-ils qu'une trompeuse enveloppe dissimulant une sordide bigote? Je veux croire, devant, que de me fâcher que ceci n'est qu'une humeur, un caprice clérical, que le cilice recouvre une chair qui demande autre chose que des macérations, madame. Ce corps méprisable, vous pouvez le prendre. Que vous ne me donnez pas. Malheur sur moi! Et le cœur que contient, le donnez-vous à Dieu? Si je le pouvais reprendre, c'est à Dieu que je le donnerais. Mais Dieu n'accepte pas le partage, ne saurait vouloir d'un cœur rempli de temporel amour. N'accepte qu'un cœur vide, qu'il peut emplir de son divin amour. Cœur pur, vase d'or. Oh, je comprends que si vous m'avez accordé la froide argile de votre corps dans ce marché de dupes, notre mariage, votre cœur ignaissant reste acquis à un autre. Vous aimez? J'aime. Qui? Un démon. Oh là, mais moi je suis un fou, il y a grande différence. Et sans doute le démon et le fou gravitent-ils autour du même trône? Oui, seulement le démon se trouve en haut, près du soleil, quand le fol se tient en bas, dans les ténèbres inférieures. Ne prononcez pas son nom, ou ne le faites qu'en courbant les chines. Bouffon! Don Carlos, vous aimez l'infant. Vous n'êtes pas la seule. J'y vois une puérile passion qui s'est prolongée jusqu'ici. Chastez cela, ma chère. Quelle ménine n'a-t-elle pas été amoureuse de l'infant? N'allez pas croire qu'il vous ait remarqué. J'eusse préféré qu'il m'ignorât à jamais. Hélas, il accepta la dédicace de mon être au sien. Et longtemps, il me resta fidèle. Le roi sait-il cette chose insensée? Non, son bouffon seul en reçoit le secret, et votre confesseur. Demandez votre pardon au ciel. Le mien vous est acquis. Henriette s'agenouille devant la Madone. Pardon, Maria, pure parmi les impurs. Mon crime est grand qu'une fatalité me fit accomplir. Je me suis engagée dans les liens du mariage. Sans amour, sans candeur, par souci de vengeance. J'étais abandonnée. L'enfant ne m'aimait plus. Alors, de basses pensées me sont venues, comme il en peut naître en l'âme d'une bafouée. Vous savez, Maria, ces mouvements, ces grossiers calculs de la passion qui délirent. J'ai laissé entendre au bouffon ce chien couchant qui dormait à mes pieds, que j'aurais pour lui quelque bonté. Je le savais jaloux de l'enfant, son imaginaire rival. Et j'ai voulu humilier le fils du roi en lui donnant comme successeur un bouffon. Il en a ri, et toute la cour. Alors, ainsi engagé, je me suis obstiné dans cette imposture, provoquant ce mariage honteux pour qu'il y eût scandale, pour que mon aimé se révoltât et me revînt. Et je marchais à l'hôtel, certaine que Don Carlos allait s'interposer et m'interdire d'aller plus avant. Il ne l'a fait. Même la bénédiction reçue, j'espérais qu'il allait, à l'évocation des dons vénériens accordés à ce monstre par la seule créature qui toucha son âme tourmentée, forcer cette chambre et m'arracher en un dépit dernier à cette alcôve de prostituée. Il ne l'a pas fait. Il tombe à genoux et rampe vers sa femme. Oh, en cette minute pathétique, il rit, il boit, il chante. Son cœur s'est vidé de vous. Il est rempli de 10 autres dont je sais le nom. Venez, je vous presserai tant que votre cœur se videra aussi. Je vous pardonne cette tromperie qui me vaut de vous avoir à moi. Car n'êtes-vous pas seul trompé? J'irai plus loin. Gardez à l'enfant votre cœur et laissez-moi prendre ce qui n'est qu'à vous-même, à l'honneur, et que désormais vous le concédiez ou non, à moi. Ce corps dont j'ai faim, cette carnation que, chien chaleureux, je veux dévorer 1000 fois, couvrir de ma bave, même sous vos coups. Il se lève et tend à Vénéranda une cravache qui se trouvait sur la table. Car voyez, les courtisans ont joint cela à vos cadeaux de noces, ne croyant pas si bien m'aider. Aurir se lève et jette la cravache. Fadial ! Elle a énoncé mon nom. Enfin, je suis votre esclave, votre bouffon. Parlez. Je parlerai, et sans doute seront-ce mes dernières paroles. Vous me laissez mon cœur, merci. C'est trop peu. Je suis une femme absolue. Laissez-moi mon corps dans son silence. Par quelle absurdité ! Par quelle ultime pudeur ! Épargnez-moi ! Enfermez-moi dans un cloître, mais ne me touchez pas! Je saurai tout! Mais non, de ma bouche! Tuez-moi plutôt, et dénudez mon cadavre! Vos yeux verront alors de quelle plaie je reste mortellement navrée! Ne prenez pas la femme d'un autre, d'un unique, impossible et coupable amour! Putain royal! L'honneur me commande! Mon honneur parlera avant le vôtre! Elle tire de son sein un poignard. Marie, mère de Dieu, toi qui es femme, comprends et intercède. Bifron arrache le poignard. C'est écrit. Il n'est de bonne noce que sanglante. Virginale ou non, coule ton sang. Il s'élance sur Vénéranda, poignard levé. À cet instant, violemment, le chevalier Folial rejette son fauteuil et se rue vers la scène. Galgut essaye de le contenir, mais est renversé. Le maître a sauté sur la scène et a saisi le bras de Bifron. Assassin ! Tu allais tuer la fille de ton maître. Il pousse Bifron hors du théâtre et saisit Aurir, l'enlace, comprend sa méprise, le repousse et le jette à son tour hors de la scène. Puis, pris d'une folie furieuse, arrache l'alcôve, renverse les meubles et la madone et saute du théâtre. Il fait quelques pas sur la plateforme et s'effondre sanglotant. Le chevalier Folial, après s'être roulé sur le sol, reste immobile. Mort. Galgut se penche sur Folial, le tâte, se relève. Le vieil homme a fini. Le grand bouffon défunt, la farce se poursuit. Chacun promu maître à son tour. Accordez une larme. Et maintenant, acclamez ces deux acteurs mirifiques. qui ont par leur jeu réussi à briser la poitrine au plus blasé des comédiens. Bifron et Horry arrachent leur masque et saluent. Deux acteurs s'embrassent, Galgut les caresse. Mais tout à coup, le chevalier Folial s'est glissé vers le fauteuil renversé, y a découvert son fouet et s'est redressé sans être vu. On le découvre menaçant, la face enflammée par la colère, les prunelles étincelantes. Galgut saute au bas de la plateforme, mais Bifron et Horry ne peuvent fuir et, cinglés par la lanière, se jettent à plat ventre. Croyez mort! L'intermède est joué! La leçon continue et s'achève! Je ne vous félicite pas, Bifron et Horir. Vous vouliez tragédien et vous avez déchaîné les rires. Vous me vouliez foudroyer et vous m'avez rendu force de vie. Votre spectacle m'a réveillé. Vous allez l'apprendre. Pas facile à tuer un bouffon d'Horace, hein? Réjouissez-vous-en, car de la sorte vous apprendrez le secret. Ne comprenez-vous déjà, têtes opaques? Mais devant que de vous faire cette aumône que mon génie vous accorde, apprenez la suite. Puisque le rideau n'est pas tombé, la suite qui s'est jouée au loin en les funèbres d'Espagne. Il sort une lettre de son flanc. À genoux, charogne! C'est Felipe et le rey qui parlent. Dans une lettre, le roi me raconte. Ordon, mon compère, à l'annonce de ce malheur qui suivait de si près une fête, je m'en fus saluer la dépouille de votre fille, la belle Vénérande, à qui la mort laisse un visage d'innocence douloureusement soigné, visage que j'ai fait mouler par affection pour vous et que je vous envoie. Folial a tiré un masque du sac de toile noire et s'approchant de Horir, lui applique ce nouveau masque mortuaire à la bouche crispée sur la face. Quant à son meurtrier, malgré son talent et l'estime que je porte à son maître, vous-même, mon compère, je l'ai livré au bourreau qui l'étrangla lentement pendant qu'on mettait la belle défunte dans un cercueil d'ébène, et cela dans la chambre nuptiale. J'étais présent. Il mourut très mal, votre élève, en faisant une épouvantable gueule, si réussie que, considérant que c'était là sa plus magistrale grimace, je la fis aussi empreindre dans le plâtre, sitôt qu'il fut crevé. Je vous l'envoie, pensant que vous trouverez quelque consolation à la contempler, encore que la charité vous commande de ne pas harceler cette âme vile. Signé Felipe, à l'Escorial, ce jour. Folial jette la lettre et, prenant un masque second, insoutenable face de supplicié, le colle sur la face de Bifron. Assez! J'abrège! Placez ce catafalque au centre de la salle. Vous, Bifron, et vous, Horir, Vous êtes devenu, ce qu'indique vos masques derniers, de cadavres. Votre nuit de noces, allez l'achever rigide dans cette alcôve de néant. Entrez dans ce catafalque. Oh, pourriture! Horir et Bifron descendent les degrés et disparaissent à l'intérieur du catafalque. L'office des morts! Chantez, Dodo, le jour de colère, le jour terrible dont l'Église entretient la promesse. Et vous, bouffons, saisissez ces flammes de pitié et tournez! De gauche. Les portes cèdent et les grappes humaines roulent dehors. Flagellé par Folial, le catafalque bouge, tend, se met à circuler dans la salle, trouve la porte et disparaît. Folial est épuisé. Il ne voit rien ni personne, mais le silence l'impressionne. Vous voilà rendu enfin sage. Écoutez votre vieux maître. Écoutez. Je vous le dis, en vérité, le secret de notre art, de l'art, du grand art, de tout art qui veut durer, c'est la cruauté. Folial reste un instant rêveur, des larmes emplissent ses yeux dilatés, puis il se remet à frapper dans le vide, faiblement d'abord, puis plus fort, se raidissant. Une joie intérieure inonde son visage en larmes. Avec un large geste de semeur, il flagelle l'espace, et son geste s'amplifiant encore, il se flagelle lui-même, impitoyablement, sans rien en ressentir. Comme un automate, tragiquement.